Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Vous êtes dans les bons crus, les sommeliers du rap reprennent du service. On n'a pas pu retourner à Radio Campus pour l'instant, mais on va enregistrer des émissions à distance. Et ce soir, vous êtes avec l'équipe au complet. Julien, comment ça va? Ça va et toi? Tranquillou, tu profites du confinement alors pour faire de la musique un petit peu? Un petit peu de musique, beaucoup de vie en famille. Ouais. Et voilà, on attend que ça passe. Impatient de pouvoir retrouver la vie. Ouais, c'est clair, ça manque. Et puis, hâte de retourner à Radio Campus, boire des petites bières et manger des chips. Exactement. Il y a Simon aussi qui est en live de la Belgique. Live de la Belgique, de Anvers. Ouais. Comment ça se passe là-bas? T'as bu des bonnes bières? J'ai bu des bonnes bières, mais bon, bah, pour l'instant, c'est les bonnes bières à la maison. Confiné, quoi. Confiné, voilà. Je bosse depuis chez moi. J'écoute beaucoup de musique. Donc sur ce point-là, c'est bien. Je pense que on se rejoint là-dessus. On garde le rythme. On garde le rythme. Et Étienne, donc pour ceux qui se souviennent d'Étienne, il avait commencé l'émission avec moi au tout début, là, en 2017. Ouais, maintenant, il rédige des chroniques chez Mogopoly. Salut. Bah ouais. J'en profite. Je profite du confinement d'avoir un peu de temps libre. Pour essayer d'écrire quelques trucs. Et ça fait plaisir de pouvoir refaire une petite chronique tous ensemble. T'as prévu un rythme là un peu de rédaction ou tu... Non, je fais comme viennent les idées et voilà. Ouais, c'est mieux, pas de pression. Ouais, pour commencer tranquillement. Yes. Alors, on reprend les émissions avec un petit concept un peu dérivé des dilemmes qu'on se lançait cet été et puis dans la dégustation du mois. Donc là, l'idée, c'est des dilemmes, c'est de choisir un son sur une année pour une catégorie. Et tout est tiré au sort. Ouais, donc l'année qui a été tirée au sort pour ces missions, c'est l'année 2013. Donc on a essayé aussi de choisir des années dont on n'avait pas déjà parlé dans l'émission. Donc première catégorie, on a choisi de parler d'une pépite qui est sortie en 2013. Donc pépite, un morceau un peu... qu'on a chiné ou qu'on pense que les autres ne connaissent pas ou voilà, un truc qui était nouveau à l'époque. Et la sonorité de l'année, donc pour nous le son qui représente un peu cette année 2013, le son qu'on entend quand on pense à cette année-là. Donc on s'est fixé aucune limite dans le rap, hein, français, ouais. Anglais, américain. Voilà, les catégories, en fait, on a choisi plusieurs, mais elles sont tirées au hasard pour chaque émission, donc on fera une année différente et des catégories différentes. Ouais. Et puis, c'est l'occasion, en fait, déjà d'essayer de trouver le meilleur son. Hein. C'est un dilemme, en fait, de choisir qu'un seul morceau pour une année donnée. Là, 2013, c'est vraiment une grosse, grosse année, en plus. C'est cool de se replonger comme ça dans des années du rap qu'on écoute moins, forcément. Donc, ça fait plaisir aussi de replonger un peu dedans et de se souvenir ce qu'on a kiffé. Ouais. Et donc, Julien, tu vas ouvrir le bal avec la sonorité de l'année, le son de l'année. En 2013, donc. Donc, en 2013, pour moi, c'est l'année où vraiment on pouvait entendre l'autotune vraiment plus que présent, plus que les autres années, même si ça avait commencé beaucoup de temps avant, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus présent, surtout avec une grosse présence de futur sur tous les réseaux, sur tous les futurings, sur tous tous les morceaux, quoi, un petit peu, invité partout, ça. Donc il y a eu ça, il y en a eu beaucoup d'autres, donc je ne vais pas parler d'autres gens parce que je laisse comme ça un petit peu pour chacun, que chacun puisse s'exprimer sur l'artiste qu'il a choisi. Et après, moi j'ai essayé de trouver quelque chose qui représentait un petit peu la sonorité. Et cette sonorité pour moi, 2013, ça m'a beaucoup rappelé des sons très très punchy, énervés et tout, avec justement des gros refrains. Là en l'occurrence, je choisis un morceau qu'un refrain de futur. Et pas forcément un artiste qui n'a pas du tout perduré dans le temps, mais en 2013, cet artiste, j'ai écouté plein de fois, et ce morceau-là, ça avait été un carton, et qui correspond bien, je trouve, au standard de l'année 2013. Donc, Bugatti. Comment? Bugatti. Ouais, exactement. Ah ouais, bien sûr. J'ai choisi le morceau Bugatti de Ace Hood avec Future et Rick Ross aussi à ce moment-là qui était en pleine bourre avec DJ Khaled machin et tout. Voilà, c'est le morceau. À l'époque, t'avais pas un banger sans Future au refrain, quoi. C'était. C'était un peu ça. Comme a pu être T-Pain à un moment dans tous les bangers. Et il a repris un peu le flambeau de ce truc de refrain auto-tuné, mais à sa façon, bien sûr, avec sa voix, son grain de voix grave et qui est reconnaissable entre mille, sa façon un peu de prendre le beat, machin et tout, et puis l'auto-tune réglé à sa façon. J'ai trouvé que, voilà, moi, 2013, ça m'a beaucoup rappelé ce morceau-là qu'on écoutait en boucle. Et pour moi, c'était le son de l'année. Et ce genre de son, voilà, super énervé, un peu vraiment trap, tu vois, et tout ça, quoi. Donc, je balance. We the motherfucking best, nigga. I see. Yeah. Super. I come looking for you with Haitians. I stay smoking on good Jamaican. I fuck bitches from different races. You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I'm rich as a bitch. 100K, I spun that on my wrist. $200, spun that on your bitch. Do me your model, put that on my list. Oh, there he go in that foreign again. Killing the scene, bring the core in the end. Murder, she wrote, swallow a choke. Hit her and go, I won't call her again. Woke up, running in mountain. Crib as big as a college. Smoke me a pound of the loudest. Whipping some shit with no mileage. Diamonds cost me a fortune. Them horses, all in them Porsches. You pussies can't handle afford it. $4,200 my mortgage. Falling on niggas like Corbett. Fuck all you haters, you bore me. Only the real get a piece of the plate. Reppin' my city and running my state. Keep me a pistol, they run with the case. Niggas won't beef, then I visit your place. Bang. I come looking for you with Haitians. I stay smoking on good Jamaican. I fuck bitches from different races. You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I'm at it again. There go that flow bringing tragedy in. Cop me a chain, your salary spent. Niggas this week bring them cavities in. Counting money, hourly trend. Rolling them skinny like Austin twins. Niggas the squares, cabinet bins. Neck full of gold, Olympian shit. Demons, I'm blowing the check on the gear. Falling some pussy, then hop on the leer. Strap with them choppers in back of the rear. Sock posse, them killers is here. Woke up early, they mounted. Mine is telling me money. Paper, moolah. Pockets as fat as a tumor. Me and that nigga, no rumor. Living my life off a tuna. Wanted with me, I deliver the beef. Real niggas only enjoying the feast. Pull up a seat, bon appetit. No Louboutins when that red on your sleeve. Bang, bang, bang, bang. I come looking for you with Haitians. I stay smoking on good Jamaican. I fuck bitches from different races. You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Photographs of dope boys. It's all they taking, fingerprints on a Rolls Royce. It's why they hatin', push a button on his broke boys. As detonation walk the road to riches bare feet. Me. I watch mama struggle, now she living carefree. That's why I hustle for that half a key, that's 12 G's. I'm trying to bubble every summer a new LP. You gotta love me, I got shooters out the D-League. Signing bone and hit that man ass from 30 feet. Left in the puddle, fingerprints is on a honey meal. That what it is, Ricky Rose and Ace Hood. We hella trill, yeah. I come looking for you with Haitians. What you I stay smoking on good Jamaican. We the best. Double up, bitch, you from the freeway. 100 M's. You get money, they start it. Turn up. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Voilà, c'était mon choix. Mais très bon choix, Julien. Ouais, je valide. Et l'incarnation de l'année 2013. Je trouve que ça synthétisait bien le type de son qu'on pourrait entendre. Enfin, il n'y a pas que ça, évidemment, parce qu'il y a tout type confondu. Mais les gros bangers qui sont passés à la télé, qui ont été mis en avant, ça correspondait plutôt, je trouve, à ce format musical. Voilà. Cette couleur musicale. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, Étienne, qu'est-ce que tu as retenu de 2013? Ok, alors bon, comme je vous ai dit juste avant, j'ai un peu triché. J'ai pris un single qui est sorti en novembre 2013, et l'album et le clip, tout ça, est sorti en 2014. Moi, à cette époque, j'étais au lycée, je crois que j'étais en seconde ou en première. Et c'est vrai que bah, là, on parlait avec Atlanta, avec Futur et tout, mais il y a eu aussi toute la vague TG. Enfin, moi, je sais qu'au lycée, ça tournait à mort, tous les A$AP Rocky, Kendrick Lamar et Schoolboy Q aussi à fond. Et du coup, c'était le premier single pour Oxymoron, Man of the Year, qu'il a sorti en novembre 2013. Et bon, c'est la recette de TG ultra efficace. Hein. Un gros refrain, une prod planante et Q qui défonce ça en bonne et due forme. Quoi. Donc voilà. Ouais, c'était le Oxymoron, c'était vraiment. Il arrivait fort avec quoi. Ah ouais, c'était que des tubes. Mais quelque part, c'était aussi un peu la fin du TD des années 2000, début 2010, fin 2000. Ouais, il y a eu une période de 2010 à fin 2012-2013. Ouais. Et après, ils ont tous pété avec leurs propres albums. Et là, ça partait grand public, quoi, direct. Ouais. Avec cet album, Schoolboy Q, il s'est ouvert quand même vachement au grand public. Il a fait des sons comme ça, Man of the Year ou même Hell of the Night. Un truc qui va être en soirée, tu vois, je kiffe. Hein, mais... bah, c'est ça, c'est pour ça que moi, ça, pour moi, dans cette période-là, ouais. Et en même temps, t'as des trucs genre. Pardon. Ouais, non, mais je disais, ouais, bah, dans le même délire, comme je disais, ouais, il y avait cette année-là, il y avait la tape des A$AP Rocky aussi. Il y avait les sons genre Fucking Problems, c'est tout ça, qui pour moi rentrent un peu dans ce truc-là, quoi. C'était tout cette nébuleuse. Après 2013, il faut pas l'oublier, c'est aussi l'année de 2 Chainz, hein. Grosse présence. Donc je vais pas en dire plus, que je sais pas qu'est-ce qu'a choisi les autres, mais ouais, mais il y avait deux, plus ou moins deux ou trois univers différents qui étaient vraiment mis en avant, quoi. Mais ouais, pour l'instant, j'ai eu peur qu'Étienne il me pique mon idée, mais c'est bon. Ok. Bah, on va écouter le morceau déjà. Ah oui. Allez, je mets le morceau. Yeah. Rusty girls everywhere, titty ass hands in the air, somebody over here, shaking for the man of the year, man at a bounce. Rusty girls everywhere, titty ass hands in the air, somebody over here, shaking for the man of the year, man of the year, man at a bounce. Rusty girls everywhere, titty ass hands in the air, somebody over here, shaking for the man of the year, man of the year, man at a bounce. Home of the party in the trees, sunny lit land of the G's. Please let a nigga breathe. Tank top down for the breeze. Burnt lips, got a blunt full of weed. Peace, love in the means. Nigga, I ain't come for the beef. You ain't know she came for the speed. Got pipe for the cheeks. Nigga, I'm the life for the beef. Fuck that, this year gotta eat. Bounce for the crown. You be hating and I still hold it down. When you round, man, the girls never lounge. Man, I heard you a hound. Bruh, man, that bitch need a pound. Tip, tip, tip, bounce out of gown. Hands high to the sound. Yeah, I'm the rich nigga now. Bitch, I'm the talk of the town. Make a bitch run them out. Yeah, go south for the boy. Pop, pop, pop down to the floor. Bounce, bounce. Everywhere, titty ass hands in the air, so party over here, shaking for the man of the year. man at a bounce. Where I see girls everywhere, titty ass, hands in the air, so party over here. Shaking for the man at a yeah, man at a yeah, man at a bounce. Where I see girls everywhere, titty ass, hands in the air, so party over here. Shaking for the man at a yeah, man at a yeah, man at a bounce. On the curb, weed cards every corner sell herb. Watch it fly to a bird. Nigga, I can pitch you a curb. Let the real shit occur. Make meals from a verb. Nigga, cop a crib in the burbs. Nigga, you ain't saying nothing but a word. Smoke something for your nerve. Home of the paid on the first. Then nigga, going broke by the third. Bounce for the crown. Fast forward, getting real to me now. Every dog need a cat to meow. Every once in a while, I see hands in the crowd. See white, black, blaze in the pound. Jumping around. Tits ass bump by the gown. Bounce from the ground. Get hype for the sound. First straight from the morgue, down from the floor, bounce, bounce. Bounce, bounce, bounce. Yeah. Brassy girls everywhere, titty ass hands in the air, so party over here. Shaking for the man of the year, man of the year, man of the bounce. Brassy girls everywhere, titty ass hands in the air, so party over here. Shaking for the man of the year, man of the year, man of the bounce. Girls everywhere, titty ass hands in the air, so party over here, shaking for the man of the year, man of the year, man of the bounce. Très bon choix, ouais. C'est vrai que ça me rappelle aussi à mort cette époque. Ah ouais, moi le lycée, vraiment, c'était tous ces morceaux-là, ça tournait à fond. On a un peu le même âge, Étienne. Bah, du coup, Simon, je te laisse enchaîner. Hein. Ouais, alors j'ai viens de dire que j'ai cru qu'Étienne m'avait piqué mon idée parce qu'il a commencé à parler de la West et tout. Je me suis dit, oh là là, non. Mais en fait, c'est bon. Alors, moi, en 2013, quand j'ai pensé à 2013, j'ai cru que vous alliez tous choisir la même chose, mais au final, non, donc c'est très bien. Mais pour moi, en 2013, le truc qui a vraiment pété, c'est DJ Mustard. Genre, il a été partout. On a même fait un peu une overdose. Et le son que je vais passer, c'est My Nigga avec YG. Donc pareil, c'est un single sorti en 2013, mais qui était sur l'album au final de YG qui s'appelait My Crazy Life. Et donc, c'était pas le premier tube de DJ Mustard. Il avait déjà fait, l'année précédente, il avait fait I'm Different de 2 Chainz. En 2011, il avait fait aussi Rack City dans les plus gros titres. Mais pour moi, c'est vraiment en 2013 qu'il a pété, qu'il a commencé à être vraiment partout, sur beaucoup de gros tubes du rap américain. On a même un peu fait une overdose parce que c'était des beats assez simples. Ouais. C'était tout le temps les mêmes. Hein. Entêtantes et un peu toujours la même chose. Donc ça a bien marché pendant un temps. Il a eu une demande de ouf. Tout le monde lui demandait. Des un peu des type beat Mustard, enfin c'était vraiment il avait vraiment une signature sonore pour moi, clairement, en plus avec son tag, donc le fameux Mother and Big Ho, qui était bien reconnaissable et que tout le monde connaît, même si tu connais pas DJ Mustard, tu connais ça. Donc pour moi, vraiment, c'était l'omniprésence de Mustard en 2013. Il a carrément amené un style à la West, ouais. Ce qu'ils appelaient Ratchet Music. Ratchet Music, très, ouais. Les Ratchets, c'est ces meufs un peu, c'est michto, quoi. Et version West, quoi. Ouais. Et lui, il l'a transposé en musique, quoi. Il y a le côté très club, mais en même temps. Pour moi, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il a ramené, c'était des sonorités donc de 2013, très actuelles, mais en même temps, ça faisait beaucoup penser à la West Coast des années 90 dans un. Je sais pas exactement quoi, c'est peut-être les mélodies assez simples. Les sirènes et tout. Les, je sais pas, les simples, les trucs qu'il utilisait me rappelaient vraiment la musique 90 West Coast. Ouais. Donc, c'était une belle. Ouais, moi j'ai kiffé en vrai. Mais allez. C'est bien que ce soit arrêté. On l'écoute. On l'écoute tout de suite. For my motherfucking nigga, most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side all day with my niggas, and I ain't going in unless I'm with my nigga. My nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my motherfucking niggas. My nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga. Yeah. First thing first, I love all my niggas. This rap shit cracked and I involve my niggas. You looking for some lean, let me call my nigga. He selling for the high, I need all my niggas. Some niggas smoke, smoke, some niggas drink, drink. Got niggas on the block with the Glock, they don't think. That's a nigga back up, they in a bucket laptop. I got that act right if you niggas wanna act up. He talking like a snitch, no, that ain't my nigga. He tripping off a bitch, no, that ain't my nigga. Shit, that's my nigga. Know him since I was 8. Yeah, that's my nigga. Fuck my first bitch, passed over to my nigga. Hit my first leg pass with my nigga. Fuck them other niggas, cause I'm down for my niggas. I ride for my niggas. Fuck them other niggas. I said that I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side all day with my niggas, and I ain't going in unless I'm with my nigga. My nigga, my nigga. Dope boys, my niggas. My nigga, my nigga. YG, my nigga. My nigga, my nigga. Rich homie, my nigga. My nigga, my nigga. It's the motherfucking world. You know I'm down with the niggas down for me. I got two words for your love and loyalty. It was me and my nigga tripping on a half a beat. Then we used to hit a wall and buy everything we see. Me and my down there nigga getting twisted. Nigga get the trippy, knock the gravy out your biscuit. Just know I fuck with you the long way, my nigga. So when I see you out, I'm like, hey, my nigga. Act right, by the case with my niggas. Drink the act right and get straight with my niggas. Me and my nigga riding. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side all day with my niggas, and I ain't going in unless I'm with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. YG, my nigga. My nigga, my nigga. Rich homie, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga got cake, my nigga got weight. My nigga front of me, he the reason I'm straight. My nigga got a hoe, my nigga got a lake. My nigga, we eat, my nigga get a plate. And I'm still here and less, my nigga, my nigga. My knock a nigga shit, my nigga, my nigga. I fuck a nigga bitch, my nigga, my nigga. If a nigga talk shit, then he ain't my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. YG, my nigga. And I ain't going in there trying to leave my niggas. Stop seeing me and won't believe what a nigga. But they want enough room, cause I came with my niggas. My niggas, my niggas. I need a set of wings, cause I'm too fly, nigga. And I'm all about my business like a suit and tie, nigga. I ride for my niggas. Believe it, I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side all day with my niggas, and I ain't going in unless I'm with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My motherfucking niggas. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. Bon, bah, bon choix aussi. Hein. C'est vrai que le son de Start, c'est quelque chose. Ça, c'était plus l'année suivante hein, que ça s'est vraiment imposé. Pour moi, c'est l'année où il a pété entre 2013 et 2014. C'est un peu à cheval. Mais je vais rebondir parce qu'en fait, il y a Rich Homie Quan sur le morceau. Jeezy aussi. Ouais. Et en vrai, le son d'Atlanta en 2013, c'était très fort. Quoi. Moi, c'est une de mes années préférées. J'en parlais avec vous avant l'émission. Il y a tellement d'albums qui sont sortis que j'ai adoré en 2013. Des trucs connus, moins connus. C'est Young Thug qui arrive avec Stoner. C'est. Voilà. Ouais. Moi, si je retiens. Et puis, c'était aussi le moment où la drill commençait à avoir des trucs un peu plus recherchés, je trouve. Chief Keef avait déjà pété l'année précédente, et là il y a King Louis qui avait fait une grosse mixtape Drillluminati. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. Il y avait Chance the Rapper. Il y avait voilà, il y en avait pour tous les goûts. C'était vraiment cool. Et c'est vrai que l'autotune aussi dominait vachement. Moi, je trouve. Et puis c'était la fin aussi du cloud rap avec Young Lit qui sortait une mixtape assez connue. Et il y a un mec qui synthétise tout ça et en même temps qui a fait un son complètement révolutionnaire à ce moment-là, si je puis dire, c'est Kanye West avec Yeezus. Et pour moi, ça, c'est le son de l'année, quoi, dans le sens, ça l'a vraiment incarné. Il y a un morceau en particulier, Hold My Liquor. Incroyable. Dessus, il y a Chief Keef, justement. Le son, il est à la fois hyper dur, sonorité électro, très. En fait, il s'est inspiré un peu de mecs comme Gus Affelstein. Tonight, il y avait du Daft Punk qui s'inspirait, et puis ils ont collaboré, je crois. Il y a Ratatat aussi, enfin, il y a plein de mecs. Il y a beaucoup de choses dans cet album. Et sur Hold My Liquor, il y a à la fois le côté énervé de l'album, et en même temps, tu sens qu'il y a le côté autotuné poussé dans des réglages qui sont vraiment très, très forts, je trouve. Et en même temps, un peu cloud aussi dans les sonorités. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est un peu entre les deux, quoi, ce morceau. Hold My Liquor, ouais. Il est lourd. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Avec le temps, plus le temps passe, et plus il commence à vraiment être considéré. Alors qu'à la sortie, tout le monde disait c'est inaudible. De quoi, Yeezus ? Ouais. Bah, moi, je suis désolé, hein, ça a toujours été un truc incroyable du début, depuis le début. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça avait été partagé. Moi, j'ai incroyable. Ouais, bah, la sortie, c'est assez dur. On peut reconnaître après, que c'est assez dur à l'oreille. Après, le truc, c'est que voilà, je suis pas forcément bon juge. J'aime tout ce que sort Kanye West, donc du coup. I can hold my liquor, but this man can't handle his weed. Dark and lonely now, on Chicago South Town. I'm on the Indiana. I heard it in the radio now. Can't handle no liquor, but these bitches can't handle me. I can't control my niggas, and my niggas, they can't control me. You say you know me, my nigga, but you really just know the homie. Bitch, I'm back out my coma. Waking up on your sofa. When I park my Range Rover, slightly scratch your Corolla. Okay, I smash your Corolla. I'm hanging on a hangover. 5 years we been over. Ask me why I came over. One more hit and I can own ya. One more fuck and I can own ya. One cold night in October. Pussy had me floating. Feel like Deepak Chopra. Pussy had me dead. Might call Tupac over. Yeezy's all on your sofa. These the red Octobers. Still ain't learned me no manners. You love me when I ain't sober. You love me when I'm hungover. Even when I blow Doja. Then the auntie came over. Skinny bitch with no shoulders. Telling you that I'm bogus. Bitch, you don't even know us. Baby girl, he's a loner. Baby girl, he's a loner. Late night organ donor. After that, he disown ya. After that, it's just hopeless. Soulmates become soulless. When it's over, it's over. And bitch, I'm back out my coma. Can't handle no liquor, but these bitches can't handle. vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Tout à l'heure, je regardais les crédits. Ouais. Un chanteur que je connais pas du tout sur le morceau. Mais il utilise souvent des chanteurs qui sont crédités, mais tu sais, qui sont pas dans les titres et tout, quoi. Ouais, il suffit que le mec soit venu dans le studio, il le crédite. Hein. Ouais. Non, mais là, il chante, le mec. Hein. Ah oui. En fait, ouais, mais ça, il fait une double voix, ou il fait un appui, il fait un truc. Il fait une double voix sur Chief Keef, et ça rend de... ça, c'est un truc de malade. Vous aviez regardé le documentaire de l'enregistrement de l'album à Paris, là ? Ouais. C'est quoi, c'est Move, non, qu'il a fait, ou... C'est Kiké. Ouais, c'était Kiké, c'était ça. Kiké, ok. Kiké, dédicace à lui s'il nous écoute. Ouais, il avait fait un docu dans les studios qu'a utilisé Kanye. Un studio à Paris. Ah. Franchement, c'est à voir le docu. Vraiment à voir. Grave. Ça montre un peu comment Kanye West travaille et comment ça peut être un peu un fou de travail exigeant. Enfin, si vous avez l'occasion. Un gros nerd. Dès qu'il est en studio. Grave. On va passer à la suite. C'était la pépite. Mm-hmm. Une pépite de 2013, Julien. Alors, pour ma pépite de 2013. J'avais découvert je vais être un peu redondant, il y a une émission qu'on a fait juste avant de test et je vais rester dans la redondance de mes choix. C'est que en fait j'écoutais pas mal ASAP Rocky machin tout ça, et en 2013 il y a eu le premier album de studio, on va dire, de Denzel Curry, et pour moi c'était la révélation. Ça a été un truc de fou. Et franchement, j'ai pris une telle claque que depuis, c'est devenu un peu un artiste un peu fétiche, quoi, tu vois. Et en 2013, Denzel Curry, personne connaissait. Enfin, ouais. Personne, pas personne, mais beaucoup moins de monde que maintenant qu'il est vraiment popularisé. Ouais, il était très jeune. Son album Nostalgique 64, Nostalgie 64, c'est fou, c'est une pépite. Tout est bon dedans et tout est bien. Il est court, il est condensé, il est rythmé, il démonte tous les beats. Franchement, c'était une prouesse de ouf. Enfin, moi, Je valide à 100%. Ah, il avait 18 ans à l'époque, c'est ça, je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais en fait, c'était son premier truc après être sous l'aile de Space Ghost Purp, machin et tout, d'avoir fait que des trucs mal enregistrés ou des bouts de couplets sur Rider Clan et tout. Et là, je trouve que vraiment, il avait. Tu t'as dit c'était le deuxième album studio ? Non, premier. Premier, ah ouais, donc c'était la première fois en fait que t'entendais Denzel enregistré. Ouais, tout seul et sur des couplets. Alors, des fois, il avait des morceaux solo dans les mixtapes du Rider Clan, mais problème, c'est que c'était jamais trop. C'était pas sa vision, peut-être qu'à lui, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est vraiment lui qui avait fait cette vision, et donc j'ai choisi le morceau Zone Free parce que c'est vraiment, je trouve, trop lourd. Nostalgic 64. Welcome. This is dedicated to the memoir of my niggas, them. Most of them victimized because the daily crackers be bamming and sending them. Down to the county, face down on the pavement. Flatland, Carroll City, my visual is the same shit. To the same little niggas going to the candy lady 25 for that frozen cup. Crackers be thinking they trapping, just posting a charger until they are ready to jump. Jump out the jumper, no pulling your gun out, you better be sprinting the other way. Throw out the fight, get caught by the now run through alleyways all in Cherry Bay. It's real in the field, either kill or be killed like BG, so it got a grip on the tech. So my nigga China Man took my nigga PJ and Trayvon. Hot damn, who next on the YC? Born and raised on the zone 3, Blackland right by the 199. Pull out the stick if you got that life. See niggas run the road, be toting that I run down. Catch a nigga by sundown or downtown when he think the shit is serene. Got that boy when they shot that boy, then they put him in the trash when they slide by the beans. Swerve, soon as I peel off the curb, burn the evidence, then a nigga hide. Take 27 y'all nigga, fuck that. Let's take that chance on an I-95. Bumpin' that sickest shit with a bomb and spit and a 666 with a twist and twirl. If you survive from a side drive by, they'll leave you with numbs like the Powerpuff Girls. I get so high, stay so high until I see the face of God. Welcome to South Florida, let that AK rip on the whole damn squad, bitch. Bitch, I'm from that zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, that black land, CC, that zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, that black land, CC, that zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, that black land, CC, that zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, zone 3, that black land, CC. Bien joué, Julien, bien joué. Chaque fois que j'écoute ce morceau, tu peux l'écouter en voiture quand tu roules, tu sais, quand il commence le morceau tout doucement, là, comme ça, après, il est énervé. Et quand les basses, en fait, elles partent que après, il commence à rapper déjà dès la 8e mesure, je crois. Et après, il n'y a pas de beat quand il commence à rapper, enfin, il y a juste le rythme derrière en fond. Et après, le charlet rentre et tout ça. Et la basse vient après encore, je crois que peut-être après 12 mesures que le morceau a commencé, ce qui est quand même rare au final. Enfin, c'est pas ce qui est employé le plus souvent. C'est une belle construction. Hein. Ouais, j'aime bien ces constructions qui sont pas toujours pareilles. 4 mesures d'intro, le mec il commence à rapper, ou alors 4 mesures d'intro, et après c'est le refrain. Et je trouve que la construction de ce morceau, elle est intéressante dans l'arrivée des éléments qui arrivent un par un jusqu'à la fin pour tout exploser. Et puis lui, il suit bien le rythme et il te garde en haleine avec le flow, tu sais, le doublet flow, enfin triplet flow un peu à la bonne Tux & Harmony et tout. Enfin, tu vois, franchement, ce morceau, je trouve... on sent la passion. Ouais, ouais. On voit beaucoup d'amour. Mais ouais. Etienne, du coup. Ouais, alors, moi je vous parlais d'un mec qui s'appelle, d'un beatmaker qui s'appelle L'Orange. Alors, je sais pas si vous connaissez. Ouais, je connais. C'est un beatmaker de Melo Music, donc c'est un label indépendant sur lequel on retrouve Apollo Brown, Odyssey, des gens comme ça. Et c'est un mec avec un univers, je sais pas comment dire, un peu années 50-60. C'est très sombre. C'est des vinyles qui crépitent et voilà, bon, je vais vous faire écouter. Et en 2013, ça m'avait fait beaucoup kiffer en tout cas. Ça s'appelle comment déjà, le projet Le projet, c'est The City Under The City. C'était en collaboration avec un rappeur qui s'appelait Stick Figa. Je connais pas le gars du tout. With the usual assortment of cartoon caricatures on the walls, and the usual assortment of shady characters at the tables. The place was crowded, but the cheering section was conspicuously silent. It's a prison, and I am a prisoner. Where the drum roll, numbskull. Ain't you see the white horse? Ain't you smell the gun smoke? Funds low, these bonds broke. Chatting with Columbo, peeling back the moon roof, and now my skin is sun soaked. Ain't no rocket science, but I need space. Ain't been too compliant, mama saying that I need faith. Being self reliant, we just ash when they cremate. Go ahead and pick a star, which one would you replace? Balls full of gas, they don't need names. Earth's about the cash, working on a prepaid. Flame to the glass, inhaling in relief pains. Life a lot of things, she ain't never been no cheap date. Slave in a free state, discovering the cupboard dry. Listen to the engine putter, brother, give another try. Pop mutters, baby sucking on a mother's udder for another night. Don Figer is another lullaby. I like that. Yeah. And from the end is where this poem starts. No regards, water in the rose and still we grow apart. Hopeless hearts broke, anxious, dip your toes with sharks. I'm floating in the ocean on top of shards of Noah's Ark. Ride the wave, cautious, then I set sail. Arrived on dry land, walking on an eggshell with lead bells. Blowing a whistle, man, I just left hell. Nothing to regret, well, except maybe that death smell. Behind the red veil, enjoying the best seats. The rest grieve, nothing to show for it but prestige. Wonder what success brings, I go against the jet stream. Knowing what one man's nightmare is another's wet dream. Quiet, please. Ça me fait penser à un Madlib MF Doom, quoi, tu vois, c'est un peu un truc comme ça. Voilà, j'ai beaucoup kiffé. Cool, j'irai écouter. Sonorité classique. Ouais. Ça fait un peu penser à Evidence. J'avoue, le Evidence, ça mord sur le pro rap. En tout cas, l'Orange, il continue à sortir des trucs. J'ai vu passer un projet. Il sort des trucs. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, enfin dommage, bah oui, beaucoup, mais c'est que le mec, il a une maladie et en fait, il est de plus en plus sourd. Il est déjà pratiquement complètement sourd et ça empire en fait. Ah, et qui sait qu'il a une date où il ne pourra plus faire musique, quoi. Donc voilà, profitons de ses projets. Bon, on va peut-être passer à une note plus joyeuse avec Simon. Alors moi, ça va être plus joyeux. Mais j'ai un peu, non, c'est pas triché, mais disons que je suis sur un terrain glissant, je vais parler de R&B. Donc j'inclus ça un peu dans la grande famille hip-hop même. Et je me suis autorisé à en parler parce qu'en soi, je trouvais pas mieux comme pépite pour moi en 2013. Mais je sais ce que tu as choisi. Et j'ai fait un revirement de dernière minute sur Party Next Door. J'étais sûr que tu avais choisi ça. J'ai failli prendre la même chose. Jérôme nous a fait une petite liste gentiment pour faire un récapitulatif des albums. Et c'est vrai que j'avais un peu zappé Party Next Door. Enfin, j'avais zappé que c'était sorti en 2013 et que c'est quand même... Party Next Door, ça n'a jamais vraiment explosé, en fait, à cause de Drake, sans doute, parce qu'il avait clairement un potentiel commercial et même artistique, hein, clairement. Enfin, moi, je trouve qu'il avait vraiment une proposition très intéressante dans ce qu'il faisait. Il faisait un R&B... totalement dans son époque, vraiment plus du tout comme on peut l'imaginer dans les années 2000. Quelque chose d'assez planant, aérien. Sombre aussi. Sombre, ouais, sombre, c'est vrai. Et lent, assez lent dans les BPM. Et qui je trouve, correspond bien en fait à sa ville aussi, Toronto. Je trouve que sa musique représente bien la ville. Et donc en 2013, il a sorti sa... première mixtape qui s'appelait Party Next Door aussi, et donc j'ai choisi le son Was Good Curious. Donc, deux meilleurs avec, mais moi j'ai failli prendre Break from Toronto, Break from Toronto qui était bien. Mais y a, franchement, là je regarde, il y a 10 titres, donc c'est une mixtape, mais il s'est pas égaré. Il l'a conçu, on sent qu'il l'a conçu comme un album vraiment, et il a toujours fait ça. Des trois volumes qu'il a fait, c'est le meilleur, ouais, je pense. Ou celui d'après aussi est pas mal, qui s'appelait Party Next Door 2. Il y avait aussi quelques que mon titre. Et après, je sais pas, ça a commencé à prendre une direction un peu bizarre, sa carrière. Moins de succès, moins de qualité. Voilà. Mais moi, c'est un peu grâce à lui que je suis rentré dans la musique de Drake. C'est-à-dire que c'est sorti juste avant l'album de Drake qui sort cette année-là, qui est Nothing Was the Same. Donc, c'est la mixtape de Party Next Door, elle sort avant. Elle sort en septembre, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, c'était un peu dans le même délire, les deux. Et forcément, il y en a un qui a écrasé l'autre, quoi. Ouais. Mais les deux gars font de la musique ensemble depuis très longtemps. Et voilà. Et Party Next Door, ouais, c'est vrai que ça reste une pépite. Cette mixtape-là, elle est vraiment excellente. Donc, on écoute tout de suite. Ça nous ramène à l'émission Toronto qu'on avait fait ensemble au début, Simon. Ouais. Je crois qu'on avait passé Break from Toronto. Ok, je lance What's Good Curse. Go ahead, love me, feel so numb. Ride me till I'm about to come. I see you are about to climb. Axel, oh girl, don't be shy. Is you ready? Is you ready, baby? You seem ready. You seem ready, baby, yeah. Girl, tonight I won't be selfish. It is all for you. Girl, my bad, I just can't help it. Girl, you taste so good. Loving, feel so numb. Ride me till I'm about to come. I see you are about to climb. Axel, oh girl, don't be shy. Shot is what I'm here for, I'm ready. On your downtime, when I'm around town, I'm ready. Girl, just let me know what's good. Girl, just let me know what's good. Still high from your Jimmy Choo's. Hey, you know I got experience. So you know I just want an experience. Girl, my bad, I just can't help it. Oh yeah, girl, you taste so good. Loving, feel so numb. Ride me till I'm about to come. I see you are about to climb. Oh girl, don't be shy. Hey shot, it's what I'm here for, I'm ready. On your downtime, when I'm around town, I'm ready. Girl, just let me know what's good. Girl, just let me know what's good. Shawty curious, cause serious, oh, oh, oh. You say you're curious, oh no. Rolling with Codeine and a sweatshirt. Shit, I just might kiss her. She just changed her Twitter. To party gets me wetter, and you know that I believe. Cause her pussy the meanest. She don't fuck with many niggas. She don't fuck with any niggas. Yeah, I call all the dips on mine. I call all the nines and dimes. I put on my ice and sneaks. She puts on the ice and we stay mobbing for a week. Hit the strip while she asleep. Shout it, know that I'm a freak. Shout it, know that I'm a freak. And that's why, oh no. Et du coup, je vais terminer la ronde avec la pépite. Donc, j'avais aussi pris Party Next Door, mais bon, on en a déjà parlé là. Et il m'est revenu. En fait, moi, des pépites en 2013, j'en ai plein, malheureusement. C'était hyper dur de choisir. Mais je me suis rappelé d'une tape de ALPHA. Ride Hivernal. Ah ouais. En gros, ALPHA, c'est, pour résumer, c'est la West Coast, le son West Coast à la française, on peut dire ça. En 2013, d'ailleurs, il est sur une lancée, une vitesse de croisière incroyable. Il sort plein de projets. C'est un peu l'apogée de sa carrière, j'ai l'impression. Julien, toi, tu connais très bien. Ouais, en fait, à ce moment-là. Il est assez constant, mais Ride Hivernal, c'est un projet un peu spécial et que j'ai beaucoup, beaucoup affectionné aussi parce que, si tu veux, c'est un rappeur qui fait du son que l'été. Donc, tout simplement, c'est il ça. Parle de barbecue, de machin et tout. Et Ride Hivernal, il a ce côté mélancolique et ce côté triste, au final, de l'hiver qui est trop bien retranscrit dedans. Et j'espère que tu vas mettre le morceau que j'aime. Je ne suis pas sûr, mais il y en a vraiment plusieurs qui sont vraiment très bien et qui ont... Et il disait dans une interview qu'il avait été inspiré par James Blake pour cet album. Ouais, donc vous voyez l'aspect sonorité, sachant que c'est un mec qui fait un son West Coast. Et le mélange des deux, franchement, c'est ALPHA, c'est le mec des barbecues, quoi. C'est le mec de la ride, c'est le mec... J'ai jamais écouté cet album, mais ça me donne envie. Qui te donne envie de te mettre au soleil avec tes potes et tout, et de rouler jusqu'à ce que t'aies plus d'essence, quoi. Un vrai confinement. Et voilà, donc c'est pas de la musique de confinement. Par contre, Ride Hivernal, c'est de la musique de confiné, parce que finalement, ce qu'il explique dans cette mixtape, c'est qu'il peut pas rouler parce qu'il fait froid, qu'il y a de la buée sur les vitres, il n'y a pas de soleil, le ciel est gris, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir rouler vers le sud. Et voilà, c'est assez incroyable. Donc moi, j'ai choisi le morceau « Il fera jour ou pas ». Parce que je trouve la prestation de chant dessus vraiment cool. Et j'aime bien les paroles. À chaque fois, elles me prennent le refrain. Là. Bon, je vous le lance. Écoute-moi, j'ai une mauvaise nouvelle et une bière pour toi. Tu veux commencer par quoi? C'est ce qui se passe dans ma tête. Je me fais une place dans le frigo, ça me fait une tente. Un degré donc, pépèrement chauffé, je frappe ma fonte et j'éclate le pack. Demain est une connasse que j'ai laissé passer. Elle m'a marché sur les godasses et un jour m'a fait enlever mes lacets. Mais je garde assez d'espoir pour remettre au lendemain et remettre ça ce soir. Comme on dit, demain il fera jour, ou pas. Demain, il fera jour ou pas, jour ou pas. Demain, il fera jour ou pas, jour ou pas. Essuie-glace, musique. C'est toute notre vie. La route est barrée, les femmes sont congelées. Il ne nous reste plus que la peur des anges. Demain, il fera jour ou pas. Speeder, procrastiner, admirer la grille du barbecue trop calciné. Stick mastiqué, y'a plus qu'à se piquer. La nuit tombe à 3h30 de l'après-midi. Moins 5 froid, sec, claquement. Dans les cannes, dans les dents, apocalypse maintenant. Écoute le bois, Cro-Magnon cherche le chêne qui réchauffe et garde ses chaussettes quand il chigne la chienne. Et contre le B arrive à pied par la Chine. Comme on dit, demain il fera jour. Ou pas. Demain il fera jour. Moi, c'est Automobile Cocooning. Ouais, celle-là aussi, elle est vraiment... Ça, t'as le clip, d'ailleurs, qui est délicieux. Hein. Ouais. Bah, ça, Automobile Cocooning, dedans, il fait un mélange entre vocodeur et autotune qui est tout simplement bluffant. Ouais, c'est un album aussi qui est intéressant techniquement, enfin, sur les risques. Il a expérimenté au niveau musical aussi. Il faut savoir quand même que ce mec-là, il fait tout lui-même. Ouais. Il fait prod, rap, mix, master, tout, absolument tout lui-même. Donc c'est quand même fort, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment fort. Ouais, c'est peut-être un des meilleurs producteurs français. Moi, je comprendrais jamais pourquoi ce mec-là est pas plus connu que ça, quoi. Franchement, je comprendrais jamais. Mais je pense qu'il a fait une musique à un moment donné qui était passée de mode et ça lui a porté préjudice. À part ça. Ouais. Mais Ride Hivernal, tu vois, tu le sortirais maintenant, ça, c'est toujours actuel. Ça, c'est clair. Bon, bah on a fini l'émission. Yes. Ouais. Merci à tous et merci aux auditeurs. Désolé pour la qualité du son. Hein. On est sur Teams. Non, mais les gens, ils sont habitués maintenant. Ils regardent plein de trucs. C'est ça, il y a tellement de trucs où les gens sont confus. Live Instagram, c'est pas mieux. Voilà, et on essaye de vous retrouver prochainement pour une autre année et deux autres catégories tirées au hasard. Yeah. Ciao. Ciao. Bonne soirée.